Forêt brûlée. On voit ce grand fond de vallée, fuligineux sous les cieux. Là, terrain, herbes, rameaux, troncs, toute une forêt fut brûlée. D'elle, si verte et si peuplée, qui, si fière, portait son front, narguait le vent, raillait l'affront, du tonnerre et de la gelée, il reste la place. Raclé, meublé d'un seul arbre, cuit tout de bon. Un paysage de charbon dans un gouffre de la vallée. Maurice Rollina, Paysages et paysans, 1899. Lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.